yeah. Je regarde ses formes quand elle danse, je sais plus où donner de la tête. Encore en S que je suis à la lettre. Toutes ses copines l'envient, oui elle l'envient. Dans un couple c'est un ennui, c'est un ennui. Si elle était stripteaseuse, j'aurais tout dépensé. Si elle savait ce qui hante mes pensées. J'aime les moments de tes hanches, oui yeah. Tout ça me tente, oui yeah. Quelques verres et je t'emmène, oui yeah. J'apprécie quand tu bouges, oui yeah. Ok, go. Querigo, querigo, querigo. So follow me, follow me, follow me, follow me, follow me, yeah. Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me, yeah. Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me, yeah. On est en chine et en bébé. Ce genre de mouvement plaît, bébé. Viens on s'écarte, toi et moi on va s'isoler. Je suis peut-être emporté, faut me raisonner. Ok, je l'avoue, faudrait plus qu'un simple rendez-vous. Tous ces hommes parmi nous, regardez, tu les rends tous faux. Comment te dire, j'en perds mes mots. Maman, c'est ton numéro uno. Suis-moi, mon dans la bendo. Fais-moi confiance, ensemble, on contrôle la zone. Querigo, querigo. Ce qu'il faut.